on a filé les verres de chier. Je n'aimerais pas prendre la vodka, mais voilà. Attendez les mecs, là c'est le pire là. Non mais là c'est le pire là. Là c'est le pire là. Là, là, là maintenant on a eu Daris, on a eu Khamsa. Maintenant c'est au tour de Saphir, l'élixir du délire. Zahra c'est l'homme-sède. Vas-y mec, vas-y. Je vais écouter ça. Allez vas-y écoute. C'est à l'ancienne, c'est avant-hier. Vas-y. Je ne pourrais pas m'empêcher de taper. Je suis un roi, mec, il faut que je colle sec. C'est si facile de décider du sort des jeunes dehors. Leur statut est d'être une statue. Sur le mur c'est dur, c'est sûr, y'a pas de censure pour ça. Ça se passe comme ça en bas de chez moi. Non, franchement les mecs, la casse était dans la poche. Ouais. Si vous voulez quelque chose, faut faire un chèque. De combien? 30-40 euros, ça suffira. Bah vas-y, on s'arrange, poteau. Bon, tu vas bien fermer ta gueule, toi aussi, c'est pas mieux, t'inquiète pas, on va avoir des dossiers. Ouais, les gars, hey. Tu veux rester dans le groupe? Alors ferme ta putain de gueule! C'est vrai.